Les poètes de ces temps. À Monsieur Paul de Meuny. Et la mère, fermant le livre du devoir, s'en allait, satisfaite et très fière, sans voir, dans les yeux bleus et sous le front plein d'éminence, l'âme de son enfant, livrée aux répugnances. Tout le jour, il suait d'obéissance, très intelligent. Pourtant, des tics noirs, quelques traits, semblaient prouver en lui d'âcres hypocrisies. Dans l'ombre des couloirs aux tentures moisies, en passant, il tirait la langue, les deux poings haleines, et dans ses yeux fermés, voyait des points. Une porte s'ouvrait sur le soir. À la lampe, on le voyait, là-haut, qui râlait sur la rampe, sous un golfe de jour pendant du toit. L'été surtout, vaincu, stupide, il était entêté à se renfermer dans la fraîcheur des latrines. Il pensait, là, tranquille, et livrant ses narines. Quand, lavé des odeurs du jour, le jardinier derrière la maison, en hiver, s'y lunait, gisant au pied d'un mur, enterré dans la marne et pour des visions écrasant son œil d'arne, il écoutait grouiller les galeux espaliers. Pitié, ses enfants seuls étaient ses familiers, qui, chétifs, front nu, œil déteignant sur la joue, cachant de maigres doigts, jaunes et noirs debout, sous des habits puant la foire et tout vieillots, conversaient avec la douceur des idiots. Et si, l'ayant surpris à des pitiés immondes, sa mère s'effrayait, les tendresses profondes de l'enfant se jetaient sur cet étonnement. C'était bon. Elle avait le bleu regard qui ment.